Now continue with the next part of the dialogue. Et votre prénom? What? Your first name. Oh, George. G-E-O-R... Ah non, monsieur. George, ce n'est pas difficile. Nous avons le nom George en France. G-E-O-R-G-E-S. Voilà. No. Non? Ce n'est pas George? Sorry, there's no S in George. Not in English. No? D'accord. Madame, en anglais, c'est seulement G-E-O-R-G-E.